On vous donne rendez-vous du 2 au 7 février 2026 pour vivre avec nous une aventure inoubliable. Washington, New York, des monuments légendaires, des matchs de rêve, une fan expérience NBA avec la KNF, des souvenirs gravés à vie, le tout qui est 26 Capital Empire Trip, c'est bien plus qu'un voyage. C'est une immersion totale au cœur des États-Unis et au cœur de la NBA. Tous les détails du voyage seront présents sur notre site web www.nixnationfrance.com, rubrique voyage. Les places étant limité, ne tarde pas et ne laisse pas passer la chance d'en être. Alors, une seule question. Es-tu prêt à embarquer avec nous pour cette expérience NBA hors du commun ? Et voilà, on va repartir en voyage. Oui, vous le savez depuis hier. On le repart aussi le mardi, c'est pas le problème. Bon, il reste des places, hein, si vous voulez vous inscrire, c'est toujours possible. Il y a des places qui sont parties entre le lundi et le mardi, mais faites vite, faites vite. Bon, le calendrier NBA a été révélé il y a un petit moment de ça. Il y a aussi la NBA Cup qui revient. Bah oui, il y aura que la finale à Las Vegas. Ils feront pas les demi-finales. Voilà, ça sera juste. Ils vont réduire un petit peu leur empreinte carbone. Je sais pas. Ou alors c'est parce que les hôtels à Vegas coûtaient trop cher. Les joueurs faisaient trop de dingueries. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, le reveal du calendrier, moi, j'ai trouvé plutôt sympa. Je sais pas si t'avais vu la petite. Vidéo promotionnelle d'annonce en tout cas avec Stephen Marbury en mode vendeur de hot dog. Ouais. Plutôt bien fait, esprit new-yorkais, en veux-tu en voilà. Il revient, bon, lui, il revient lui dans les dans la communication des Knicks. Et je sais pas si t'avais vu aussi Latrell Sprewell qui présentait le jersey des Wolves. Ça faisait un peu bizarre, mais bon. Il a joué là-bas aussi. Il a joué là-bas. Par contre, je trouve que, tu vois, je trouve que Latrell Sprewell, bon, ok à New York, ok aux Wolves, mais je trouve que il y a pas assez à Golden State. Bizarrement, je sais pas pourquoi. Ça s'est mal fini avec le coach, mais je veux dire après lui et la franchise, tu vois, c'est, enfin, je veux dire, il a connu des super succès là-bas. Donc oui, mais la façon dont il est parti, oui, il fait qu'il y a eu un divorce impossible à digérer autrement. Donc ouais, il est un peu persona non grata, c'est comme ça on dit, à Golden State, alors qu'il fait partie effectivement des joueurs qui ont compté dans les années 90, début des années 90, ouais. clairement quoi. Il y a eu l'époque Mitch Richmond, Chris Mullin et puis Tim Hardaway, le Run TMC. Run TMC, puis après il y a eu le passage un petit peu compliqué avant d'arriver sur la draft. Je crois que c'est la draft de 92, hein. Il est de la draft de Shaquille O'Neal, Latrell Sprewell. Hein. Ouais. Donc, et puis ensuite rejoint par Chris Webber. Donc ouais, effectivement, ses premiers faits d'armes étaient du côté de San Francisco. All-Star, All-Star là-bas. Hein. All-Star là-bas, multiple All-Star. Hein. Il a dû être deux fois au moins, je crois, All-Star. Et je sais pas s'il n'a pas été All-NBA Defensive Team avec les Warriors. Donc, ouais, clairement, un joueur qui compte. Mais bon, depuis, les Warriors ont une toute autre histoire à raconter. Donc, c'est sûr que c'est plus de Latrell Sprewell qui va être accueilli là-bas. Ouais, bon, il a été trois fois All-Star là-bas. Ça compte quand même. Bon, les Knicks, ça y est, en tout cas, l'effectif, il est au complet. On le connaît maintenant après ce training camp. Les joueurs qui ont été gardés, les joueurs qui ont été coupés, les joueurs qui ont été reconduits. Voilà, donc on va voir quand même un beau changement. On avait du Cameron Payne, on avait du Delon Wright, on avait du Precious Achiuwa l'année dernière sur le banc. Et bien, tous ceux-là sont partis. Landry Shamet, lui, est revenu, est resté. Il était un petit peu encore en discussion avec ce retour d'intersaison. Finalement, c'est lui qui a eu les faveurs de Léon Rose. Voilà, un choix plutôt logique. Continuité. C'est un joueur qui a pu montrer par moments de bons petits passages. D'autres peut-être un petit peu plus douteux sur l'implication défensive. Mais j'ai envie de dire, c'est pas trop ça non plus qu'on attend de sa part. À voir s'il sera, comment il sera utilisé par Mike Brown. Il était peut-être un petit peu en compétition avec Garrison Matthews en termes de sniper sorti de banc. Et Garrison Matthews avait été pas mal. Hein. Ouais, il a été bon sur cette pré-saison. Visiblement, hein, mais... ce qu'ils disaient les insiders, c'est qu'il a plutôt plu au management, mais ils n'avaient pas les fonds, ils n'avaient pas le cap, ils n'avaient pas la profondeur pour pouvoir le faire signer. Il y a un moment, on s'est plutôt... retourner vers les rookies sophomores maintenant. À voir, hein, Kevin McCullard, qu'on a aperçu à Vegas. On a évoqué qu'on avait moins parlé de cette Summer League. Il a essayé de se montrer, ce Kevin McCullard. On l'avait peu vu la saison dernière parce qu'il était blessé, parce que c'était un rookie aussi en fin de second tour. À voir. Hugues Porty de retour. Hugues Porty qui s'était blessé et... Dommage, parce qu'il aurait pu saisir un petit peu de temps et d'opportunité d'avoir du temps de jeu. Il avait montré quelque chose sur ses courts passages en début de saison, là où Mitchell Robinson avait été arrivé sur le tard. Donc voilà, donc un effectif au complet, un effectif plutôt intéressant, plutôt deep là-dessus. On doit pouvoir assez facilement dégager 9 joueurs, une rotation de 9. Ça doit être assez à la portée de Mike Brown. Est-ce qu'on ira au-delà, une rotation de 10, 12 en régulière, à voir qui pourraient être ces joueurs. Mais en tout cas, on a un effectif plutôt intéressant, plutôt expérimenté aussi. Hein. Ben, forcément, tous les ans, on prend une année d'expérience en plus. On n'est pas sur un effectif qui mise avant tout sur la jeunesse. Et ça, lorsqu'on veut jouer, on va dire, du titre, pourquoi pas, des finales NBA, pour sûr, eh bien, il faut de l'expérience. Et je pense que le groupe en a, tout comme le coach. Donc, on va se lancer sur nos projections, Seb. On fait, comme toutes les saisons, nos deux line-up, nos deux 5. Alors, on va commencer par les starters, et puis on fera après nos joueurs du banc. Bon, on vous les diffuse, on les montre tout de suite. Voilà, 2-5 de départ un petit peu différents. Alors, bon, c'était histoire aussi de faire l'exercice du débat et un peu de se poser des questions. Bon, au poste 1, on a une constante. On va partir sur Jalen Brunson cette saison. Je pense que c'est le bon choix. Hein. Écoute, je le trouve plutôt pas mal. Plutôt convaincant. Que... Hein. Ouais, je trouve que bon, il a les épaules pour pouvoir donc mener cette attaque des Knicks. Voilà, donc. Même si c'est pas. C'est un meneur scoreur, comme dit-on. Hein. C'est pas un meneur gestionnaire. On n'est pas sur du Chris Paul, on n'est pas sur du John Stockton, on n'est pas sur dans la passe avant tout. Même si la saison dernière, il a quand même augmenté son volume de passe en essayant d'impliquer un peu plus ses coéquipiers. Quand t'as plus de talent autour de toi aussi, c'est plus facile de dire. C'est plus facile de faire une passe et de marquer que de faire une passe à quelqu'un qui va pas marquer. Ouais, forcément. Donc, mais en tout cas, voilà, sa moyenne de points a baissé légèrement la saison dernière en régulière. Il y a une absence, hein. Il a été blessé aussi, il a loupé une quinzaine de matchs. Souhaitons-lui une très bonne santé. Il a perdu quelques kilos. Et oui, combien, on ne saura pas exactement. On va garder ça secret. Mais l'été a été une source de réduction de masse pour lui. Est-ce que ça lui permettra d'être un peu plus léger sur ses appuis et moins sujet à quelques blessures de cheville, hein. Par moments, il nous inquiète, notre JB. Mais il est solide, c'est un rock. Et il sera, pour nous deux, encore une fois meneur titulaire. Bon, je pense que Mike Brown devrait nous suivre sur ses recommandations. C'est quand même étonnant. Ensuite, des joueurs qu'on devrait retrouver dans le 5. Bon, alors à des postes peut-être différents, mais en tout cas dans les ailes, on devrait retrouver du Mikal Bridges et du Oji Anunoby au Gougoua pour les intimes. Ça là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Karl-Anthony Towns devrait être titulaire, évidemment. Ensuite, se pose la question. Mais est-ce qu'elle se pose vraiment ? On va en discuter un petit peu, parce que c'est là, effectivement, qu'on peut avoir une variante dans notre 5 de départ. Je l'ai mis un peu, mais... En fait, il y a le 5 de départ vu selon Mike Brown et le 5 de départ vu par Tom Thibodeau. En fait, on a. Ouais, oui ou non. Oui ou non. Mais il y a effectivement le 5 de départ où on fait une association Mitchell Robinson, Karl-Anthony Towns au niveau des intérieurs. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour Josh Hart sur les postes d'arrière ailier. Et puis, il y a le 5 de départ où on continue avec un Karl-Anthony Towns titulaire au poste 5. Et donc, qui est-ce qui vient compléter le starting 5 ? Pourquoi pas Josh Hart. Bon, une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a la version Tom Thibodeau sur 82 matchs de régulière et puis quasiment tous les playoffs. Et puis, il y a la version que pourrait nous proposer Mike Brown. Mike Brown, sur les matchs de pré-saison, il ne nous a pas vraiment fait ses line-up. Parce que on a eu un moment OG qui était blessé, donc c'était plutôt pas comme Dadier qui était dans le 5. Bon, on s'attend pas trop à voir Paco Mdadier dans le 5. Et puis aussi, il y a des déclarations autour de Mitchell Robinson. Mitchell Robinson qui devrait être ménagé cette saison, ménagé sur les back-to-back. Alors quand on dit un joueur qui fait pas des back-to-back, on pense tout de suite à Joel Embiid. Bon, Joel Embiid, il a vraiment pas fait de saison la saison dernière. Donc on espère que Mitch aura au moins la capacité à faire une soixantaine de matchs cette saison. Ça serait très très bien, parce qu'on sait quelle est la valeur qu'il peut apporter lorsqu'il est sur le terrain. Mais est-ce que ça sera pour autant le pivot titulaire? On n'a pas encore cette certitude, même si on pourrait le penser. Et moi, j'avoue que je ne suis pas forcément confiant sur la capacité de Mitchell Robinson à rester en forme tout le long de la saison. 82 matchs, c'est largement trop pour lui. S'il en fait 70, oh là là, ça serait magnifique. S'il en fait 65, 62, ça serait déjà bien. Est-ce qu'il va débuter la rencontre? Pourquoi pas, pour apporter une certaine forme d'assise défensive dans la raquette en début de match, mais peut-être pas non plus pour faire beaucoup beaucoup de minutes. Est-ce qu'on va être sur un joueur qui va être aux alentours de la vingtaine, 25 grand max? Ça serait déjà pas mal. En tout cas, l'intersaison et le début de pré-saison rassurent pas non plus sur un Mitchell Robinson en très très grande forme physique. Plutôt des mesures de précaution pour le ménager. Donc, toi, est-ce que tu es confiant sur la capacité de Mitch à mener une saison pleine? Et qu'est-ce que ça voudrait dire, une saison pleine? Et est-ce que du coup, on peut avoir un pivot titulaire qui n'est pas là un match sur deux quand il y a du back-to-back? Est-ce que ça peut être un problème? Quel est ton avis sur le positionnement de Mitch en tant que starter? Moi, je pense que c'est déjà... Enfin, on en parlait déjà pendant les playoffs l'année dernière. On aurait aimé, quand il était revenu, on aurait aimé voir plus l'association Mitch Cat, un peu en mode Timberwolves, quoi. Où on avait vu un Cat plus rayonnant aux côtés d'un Rudy Gobert. Moi, je pense que c'est totalement possible. Je pense qu'il ne faut pas penser qu'on va être enfermé dans. En tout cas, immédiatement, ou même sur la saison régulière. Sur un 5 pérenne, je pense qu'il est amené à évoluer avec un coach comme Mike Brown. C'est-à-dire qu'on peut être surpris pour certains matchs. Comme je t'ai dit, je pense qu'il est probable que certains matchs, certains joueurs soient reposés, soient pas joués. Ou alors, comme on a vu par exemple, il va commencer pour amener plus de densité physique immédiatement lors du match. Il va peut-être commencer par un Josh Hart en 3, par exemple, ou en 2, et un Mikal qui sortira du banc sur le match. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Je pense que Mike Brown est peut-être un mec qui va plus s'adapter aux équipes, là où un Tom Thibodeau, il avait son 5, et son 5 joué, et ainsi de suite. La formule... Voilà. Cependant, si on doit dire quels sont pour nous les titulaires et les remplaçants, je pense que quand même... L'année dernière, il a été blessé, il a mis du temps à revenir, il s'est soigné, son intersaison a été... Il a fait le nécessaire. Là, oui, peut-être qu'il a eu quelques bobos, mais est-ce que c'était pas aussi une façon pour le club de le manager? Pour moi, je t'ai dit, il va y avoir beaucoup de management au niveau des corps. Évidemment, il ne fera pas 82 matchs, il n'en a jamais fait, il n'en fera jamais... Déjà, comme tu dis, qui reste en soin. Tu te rappelles de l'année, je pense que c'est l'année post-We Hear, où quand il revient, il se pète et qu'ils apprennent à Derrick Rose en lui disant « Ouais, tout, il s'est fait mal » et qu'il est là « Oh putain, oh man » et tout, il est dégoûté. Parce qu'il sait comment est le bonhomme, en fait. Il sait comment est le bonhomme, qu'il est hyper fragile. Il peut être hyper important parce que c'est une tour en défense, hein, il est rapide et il est mobile. Mais le sens du rebond est très important. Et ouais, mais après, à côté de ça, on peut aussi il a mal au dos. C'est ça, il y a un côté fragile. D'ailleurs, il y a deux points qu'on peut évoquer vis-à-vis de Mitchell Robinson, qui va être un élément clé aussi de cette saison, de savoir comment on pourra compter sur lui, comment Mike Brown va pouvoir compter sur lui. Il n'a pas été prolongé. Pour l'instant, il n'a pas été prolongé. Visiblement, il y a eu des discussions, mais les deux camps, quand Knicks, quand Mitchell Robinson, ne se sont pas mis d'accord. Lui a dit, je laisse ça aux agents et tout, mais bon, c'est qu'il y a visiblement quelque chose où il y a une proposition qui était en dessous de ce que celui souhaitait, ou alors peut-être des player options, des conditions de sortie de contrat. Je pense que c'est peut-être pas si anodin que ça d'avoir autant de pivots entre guillemets sous contrat, parce que bon, ok, d'accord, il est là, T'as Rick Porti qui lui ressemble aussi un peu dans, et peut-être même plus, peut-être même plus tour de contrôle que lui au niveau de la passe. Et t'as ce gars-là qui est pas vieux, hein, ce Jamison. Il est pas vieux, hein. The Third. Mais non, mais il est, je crois qu'il a 23 ans, un truc comme ça. Donc, Je vais vérifier son état civil dans quelques instants, mais oui, effectivement, on est sur des mais joueurs. et donc je te dis, je pense que c'est pas étonnant d'une parce que peut-être que les Knicks se disent, ah, il peut être amené à se péter et ça peut être chiant. 25. 25 ans pour Jamison de Serbe et Mitch, on en est à 27 Et aujourd'hui. ouais. Donc et puis aussi cette histoire de faire jouer Plus vite. Gershon. Non mais Gershon Ah aussi, oui. de le tester en 5. Étonnant ça, tu vois. Quand même, tu vois, de le faire jouer. Alors Oui, que et t'as quand puis même sur d'autres niveaux. un. J'allais dire un Tom Thibodeau. Oh, le lapsus, j'ai pas fait le deuil encore. Sur un Mike Brown qui dit je veux jouer plus vite. Est-ce qu'avec un Mitchell Robinson. T'as une line-up où tu peux jouer vite. Est-ce que tu joues pas plus vite quand t'as un Josh Hart dans cette line-up? C'est un peu la question aussi que je me pose. Est-ce qu'on veut jouer vite tout de suite d'entrée de Josh Hart, match? Est-ce qu'on c'est-à-dire veut imposer un rythme? mettre 4 en 5 et faire revenir au 5 originel, on va dire. Au 5 version Tibbs, tu vois, quoi. Parce qu'on a un Josh Hart qui apporte des choses en termes de relance, en termes de portée de balle aussi, en termes Ah, de ball handling. moi, je ne sais pas si sa façon de voir les choses à Mike Après, Brown ce qui. est adaptée au roster des Knicks. Cette histoire de pace rapide, je ne sais pas si c'est adapté à nos joueurs. On a quand même des mecs, tu prends un OG, c'est quand même un joueur qui est quand même assez lourd. Un 4, c'est quand même un joueur qui est quand même assez lourd. JB, c'est rapide, mais sur le premier pas, sur les changements de Ouais, direction, pas JB, forcément en vitesse pure. c'est pas De'Aaron Fox. Non. Et quand je parle de lui, c'est pour faire la comparaison avec Sacramento. Non, mais ouais, un Tyrese Maxey, où il y a des joueurs qui sont plus rapides, on va dire, sur un bout à bout d'un terrain. Michel Robinson non plus, c'est plutôt lourd. Voilà, donc. C'est pas des, c'est des, on a quand même des profils plus demi-terrain. À voir comment ça va se passer, parce que peut-être que c'est pour ça aussi qu'on a un effectif deep pour faire tourner plus souvent. Mais je sais pas si cette façon de voir les choses est adaptée à cette équipe. Donc, ils verront, hein, de toute façon, ils s'ajusteront en cours de saison. Hein, Ouais. Mais à voir. Mais oui, après, derrière, oui, quand tu regardes le 5 tel qu'il veut le prôner, c'est-à-dire avec JB, Mikal, OG, Kat et Mitch, ouais, c'est lourd. Enfin, quand je Ouais. dis c'est lourd, pas lourd, ouais, c'est lourd. Non, tu vois, Non, mais c'est pas les joueurs les plus rapides. Les plus rapides sur le papier. À voir. Mais en ça, justement, ça nous laisse un petit peu dans le flou pour l'instant. On y verra beaucoup plus clair, pardon, dès l'opening night. Alors que tu On vois, verra aussi en fonction tu des alors, alors, oppositions. alors Et... que tu vois ton banc, si tu fais ton banc avec On va y venir au banc, on va y venir au banc. du ouais, mais tu vois avec les joueurs qu'il y a sur le banc sont peut-être plus adaptés Un à jeu jouer. rapide, un Ouais. jeu porté vers l'avant, tout plus porté vers l'attaque Bon, je que pense pas à peut-être le Gershon. 5. Je pense pas à Gershon. Gershon fait partie des joueurs quand même un peu lourds. Je pense pas que Gershon soit le type de joueur à faire des allers-retours. Mais après, sinon, on a d'autres profils qui sont peut-être plus adaptés à ce type de jeu-là, quoi. Mais après, le 5 est fabuleux quand même. Quand on regarde que ce soit l'un ou l'autre, le 5 Oui, est. on a de très bons 5 dans tous les cas. Voilà, l'état de forme de santé de Mitchell Robinson sera un facteur clé cette saison. Voilà, sur son utilisation. On sait qu'il aura cette capacité à porter du rebond, de la protection de cercle. Il se dit qu'il aurait travaillé ses shoots au lancer. On C'est verra, pas des on masses vues. verra. C'est pas des Ça, masses c'est vues. pas des masses vues pour l'instant, mais il y a eu peu aussi de sorties de la part de Mitch en pré-saison, mais on verra parce qu'il y a eu du hack Mitch en play-off la saison dernière, on s'en rappelle. C'est pas ça qui avait fait la différence sur le parcours des Knicks en play-off, Non mais mais c'est c'est chiant. un C'est grain de chiant. sable Ouais, c'est qui chiant. dure en plus et où on Ça sent te pas coupe non plus un travail énorme de sa part. ça peut te couper un momentum, ça peut en relancer un mais pour l'autre équipe, ça met mal à l'aise le joueur, ça crée une ambiance bizarre dans l'équipe en mode putain, rentre lancé. Donc voilà, c'est jamais Oui, bon mais puis. hein. Faut voir comment il les travaille. Faut voir comment ou qu'il ne les travaille pas. Parce que louper des lancers, ça arrive à tout le monde, même au meilleur, même à JB, même à Kat. Mais bon, quand c'est le ballon arrive, t'es sur la ligne, tu fais bon bah c'est bon, on va rendre la balle. Donc tu attaques un peu à 4 et ça peut être un problème face à certaines oppositions. Donc voilà, donc il y a questionnement. Il y a questionnement au niveau du starting 5. On n'a pas de certitude à la sortie de cette pré-saison. Il y a Et puis la après blessure l'état de aussi santé, hein, voilà. de Josh Hart avec son L'état doigt de pété, santé. son dos cassé. Voilà. Mais en tout cas. si on se projette dans un peu de science-fiction, tout le monde est en forme, tout le monde est capable d'être aligné, qui alignez-vous dans votre starting five? Donc dites-nous en commentaire, on est curieux de savoir qui vous mettez dans votre starting five. Il y a plusieurs variantes, il y a des joueurs qui sont indéboulonnables sur leur poste, c'est sûrement au niveau de la raquette et un petit peu du backcourt que la question se pose. Mais bon, une fois qu'on a vu les starters, bah, il y a les joueurs du banc. Et on sait que le banc va être aussi scruté. Combien de joueurs Mike Brown va utiliser en ce début de saison? Est-ce qu'on arrive à dégager facilement une rotation de 10, voire plus? Et ben voilà, nous, on vous propose nos deux bancs. Alors forcément, moi, comme j'ai pas mis Mitchell Robinson dans le 5, je le mets sur le banc quand même. On va peut-être pas abuser, on va peut-être pas le mettre en troisième option en tant que pivot. Toi, Seb, comme tu as mis Josh Hart pas dans le 5, bon, tu nous le mets dans le banc. Évidemment. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Avec des énormes minutes. Parce que c'est pas parce que... C'était Jacques Monclar qui disait toujours, le principal, c'est pas de commencer le match, mais c'est de le finir. Donc moi, je vois quand même un Josh Hart terminer les matchs, quoi. Que ce soit Mitch ou Josh Hart, on aura ces deux joueurs qui feront partie de la rotation sûre. Est-ce que Mitch finira les matchs? Ça, c'est autre chose. Mais... Et ça va peut-être dépendre des physionomies de match, des oppositions. Si on est sur un blowout, qu'on est en train d'être à plus 20 à 5 minutes de la fin. Non, bah c'est Jamison qui finit le match. Ouais. Ou pourquoi pas Hugues Porty. Moi, je suis parti sur... tu es parti sur Hugues Porty, pardon. Ouais, moi, Hugues Porty, je le sens avoir un vrai rôle dans la rotation. S'il est en forme ou quoi, mais je le vois avoir un vrai rôle dans la rotation. Déjà, une année supplémentaire d'expérience. On l'a vu être très proche de Karl Anthony Towns. Beaucoup parlé avec lui pendant cette pré-saison. Kat lui a beaucoup parlé, a pris à part sur les temps morts, lui dire le recadrer, le passer, tout ça, être assis à côté de lui, mais tout ça. Donc on a l'impression que quand même il y a un vrai la confrérie des intérieurs. Ouais, déjà d'une, mais tu vois, je pense que aussi d'avoir la parole d'un vétéran, c'est toujours important. Et donc moi je le vois bien avoir de plus de minutes. C'était quand même quelqu'un qui l'année dernière, avant qu'il se blesse, était intéressant. Quand Tom Thibodeau le lance et lui fait jouer des matchs, je pense que ça a dû lui plaire. Donc sur des temps courts, mais des bons passages à chaque fois et des bonnes attitudes. Donc on a envie d'en revoir un peu plus. Donc je pense que c'est le sophomore qui risque d'avoir des sophomores. Je parle pas de Macula, mais des sophomores Dadier, Colec, Hugues Porty. Je sens Hugues Porty avoir un vrai rôle entre guillemets dans ce roster. Je pense qu'il jouera. Je pense qu'il aura des temps. Ok, à voir, affaire à suivre en tout cas. Peut-être que les blessures lui donneront aussi des opportunités. Karl Anthony Towns, ça a tendance à se blesser de temps en temps. L'année dernière, pas trop, mais il faut surveiller tout ça. Mitchell Robinson, on en a parlé. Donc voilà, il y a peut-être une opportunité. Il faut qu'il reste alerte, en forme. Mais en troisième option à l'intérieur, ça peut être une solution. Et voire plus si affinité. Bon, Miles Bridges, Jordan Clarkson, Yabusele, tout cela, on Michael voit Bridges. Que ça peut être des joueurs. T'as dit Miles. Miles McBride. Miles Bridges. Ah. Pourquoi je parle de Bridges dans le second unit? Cette grosse touffe, c'est pas Bridges. C'est Deuce. Deuce. Parlons de Deuce. Il y a les Deuce et Clarkson et Yabu. Voilà. Des joueurs qui vont faire partie de la rotation en sortie de banc, assurément. Voilà. On a minimum ces 9 joueurs. Après, on sait que. À utiliser avec un temps. Un temps significatif. Alors, après, on sait qu'en NBA, t'as un vrai 5, mais t'as plus vraiment de la vraie seconde unité qui rentre. Ça se mixe beaucoup. Donc, tu vas avoir évidemment des bacs courtes, JB McBride, JB Clarkson quand il faut vraiment appuyer pour essayer de revenir au score. Tu vas avoir des associations peut-être Mitch Gershon ou un OG qui va rentrer dans le front court avec peut-être un Mikal qui va monter, un Hart qui va être associé. Enfin, ça va beaucoup se mixer. Mais oui, après, déjà, quand tu vois les noms, la profondeur, c'est-à-dire que tu peux te faire un 5, évidemment, avec Deuce McBride, Clarkson, Hart, Gershon, Hugues Porty, au plaisir, et après, encore derrière, tu peux avoir un collègue qui, si tu as besoin d'un peu plus de manier le ballon, qui peut sortir, et pourquoi pas être associé à un McBride, ça peut matcher. L'un est plus chien défensif, l'autre est plus créateur, ça, c'est petit, mais ça peut là, marcher. On l'a... que ce soit de ton côté ou du mien, on l'a pas mis. On n'a pas mis Colec en étant meneur backup. Non. On le voit plus en troisième option derrière, derrière Juice. C'est pour ça que serait Juice qui serait ce meneur backup cette saison. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis que je pense que sur le premier tiers, peut-être même jusqu'à Noël ou début janvier, on peut avoir des rotations à 11. Tu vois ouais, je le vois bien comme ça. Et une rotation à 11, peut-être pas 12, c'est beaucoup, mais en tout cas... 11 et demi. Non, mais tu vois, avoir de vrais temps de jeu pour certains mecs. Et en fait, au fur et à mesure, Mario Brown va affiner son histoire. Ouais. Et après, on va tomber peut-être sur une rotation à 9 dans le dernier tiers. Mais je vois bien... Ouais, en vue des playoffs. Mais je vois bien, premier tiers, une grosse rotation, des joueurs qui vont être là, des temps de jeu qui vont être aménagés, des joueurs qui vont être aménagés. Deuxième tiers... un peu plus d'affinage, des temps de jeu qui vont s'augmenter, des mecs qui vont disparaître. Et dernier tiers, préparation de playoff, où là, la fusée commence à décoller. Où là, par contre, gros temps de jeu pour les mecs, grosse préparation en vue des playoffs, des types qui disparaissent, un vrai noyau et un vrai banc à 4 mecs qui sortent du banc. Et je le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça. Donc, je pense que Colette aura quelques minutes. Mais, Mike Brown est attendu pour mieux ménager ses troupes, pour utiliser plus de joueurs. Donc oui, forcément, au début, en tout cas, il va falloir qu'il fasse preuve d'une ouverture. Et puis dans l'espoir d'un trade, pourquoi pas à la deadline, c'est toujours bien d'avoir des mecs qui ont joué, qui ont montré et qui ont un peu de valeur. Bah, on se rappelle d'une certaine façon que Jericho Sims, oui, rappelez-vous, le petit moustachu du Wisconsin, bah, il a été mis en avant un peu, il était le pivot backup. Alors après, on avait des blessés aussi l'année dernière. Oh là là, Jericho. Mais voilà. Il est toujours, il est dans la rotation des Bucks. Hein. Putain, c'est incroyable ça. Ça, c'est incroyable. Hein. Voilà, pensez à toi, Jericho. Yes. Au-delà de ça, forcément, toi, tu as du Josh Hart en sortie de banc. Moi, j'ai hésité. J'ai hésité sur le poste d'ailier. J'ai mis Paco Mdadié. Je suis pas très convaincu. Je me dis pourquoi j'ai pas mis Landry Shamet. Je sais pas. C'est vrai. Qu'il y a Shamet, putain. C'est vrai. On a tendance à l'oublier. Et là, mais zappé complet quoi. C'est vrai qu'il y a Shamet quoi. Mais Shamet, c'est pas un 3. Moi, ça m'embête. C'est pas un 3 à Shamet. Oui. Ouais, mais si tu le mets dans le backcourt, Clarkson, Deuce, McBride. Deuce, Clarkson, Hart. Tu vois, ça, c'est. Ça fait un embouteillage. Pour moi, c'est plus cohérent parce que t'as vraiment un type qui score, deux mecs qui défendent. Shamet, bon, ok, c'est un poignet, hein, c'est un sniper, mais après, c'est pas non plus un défenseur de fou. Et il est sous-dimensionné pour le poste de 3. Enfin, c'est pas un 3 pour moi, Shamet, quoi. C'est. Voilà, alors que. En équilibre, pas comme Dadié me semble plus physique. Ouais, je dis pas qu'il me rapporte plus de certitude, mais il me semble plus physique. Si tu veux mettre Shamet, mets un Diawara. Si tu mets Shamet, tu le redescends en 2, tu mets un McBride en 1, un Shamet en 2, en ce cas Clarkson il sort, et tu mets un Diawara, tu vois, pour compenser un peu ça. Je le vois plus ça. Dadié, peut-être qu'il me fera mentir, mais j'y crois pas des masses. Voilà, les rumeurs entre guillemets de départ, mais c'était aussi pour libérer de la place, avoir un contrat rookie. Ces mecs-là qui arrivent trop tôt, qui arrivent à 18 piges, qui n'ont rien prouvé, ils arrivent dans un marché qui est énorme. Et déjà, si à la base, tu fais pas ton trou, si en summer, si en sophomore, pardon, c'est aussi compliqué, on parle de toi pour partir pour du cap. On parle de toi pour partir pour du cap. Pour moi, ils arrivent trop tôt. Je dis pas qu'il a pas de talent. Évidemment qu'il en a, sinon il serait pas NBA. Il a énormément de talent. Mais est-ce qu'il a le talent nécessaire pour jouer à NBA? On a vu trop de mecs arriver trop tôt. Là, regarde, Killian Hayes, tout le monde était là en mode avec des warnings. Ah, il a signé au Cavs, il a été coupé. Et le type, il espère avoir de la G League. Putain, mais reviens en Europe, reviens te faire un nom. Enfin, ces types-là qui arrivent trop tôt et qui. Et ouais, je comprends de se dire, t'as le bus, t'as le train qui passe, et peut-être qu'il repassera pas, et il fallait monter quand t'étais en gare. Mais ok, tu vas vivre ton rêve américain, mais quel type de rêve, quoi? C'est quoi ce que tu fais? Et moi, je sais pas pour Dadié. Pas convaincu l'avenir de Dadié, et effectivement, on peut s'inquiéter, on peut se poser des questions. En termes de rôle, tu vois, t'as un mec, je pense que en termes de rôle pur, t'as un type comme Mo Diawara qui peut avoir un rôle plus important cette année, hein, pourquoi pas, même si je pense qu'il jouera pas des masses, mais cette année qu'un Dadier, quoi, tu vois, parce que c'est toujours plus intéressant un type qui va se jeter dans le premier rang pour attraper un ballon, quoi, tu vois, plutôt qu'un type qui va être élégant mais qui finalement va pas faire grand-chose, enfin. Ben c'est ça qu'on va essayer d'observer, de savoir qui aura ce rôle de dixième homme, parce qu'on est plutôt à ce niveau-là dans la rotation. Est-ce que ça sera Landry Schamet, Dadier, Diawara, Colec? Voilà, il y a des questions qui se posent, Makula. Autant la rotation à 9, on arrive à l'avoir assez facilement. Le dixième homme, bah, c'est pas si simple. Après, qui sera le sixième homme? Qui est le premier qui va sortir du banc? Ça aussi, si c'est est-ce que Josh ça Hart qui est sur le sera. banc, c'est lui. Si c'est Josh Hart qui est sur le banc, c'est lui. Moi, ça, Ouais, c'est aucun doute. Moi, je le vois sortir. et qui est le premier à sortir du 5? Eh ben, qui est le premier à sortir du 5, hein, Mitch? Ou en fait, ben, dans ces cas-là, tu bascules en Tom Thibodeau style, tu vois? D'accord. Voilà. Si Ça je va être. devais. Oui, non, mais on est dans la projection là. On est dans la projection, on aura un peu plus de certitude quand on aura vu les matchs de saison régulière. Il faut voir ce que, Quand. il faut voir ce que quand même Josh Hart apporte, quoi. Il apporte Ah du bah oui. rebond, il apporte de la défense, de la grinta. Quand il est La en soir, vitesse aussi. il apporte du 3 points, il apporte de la percussion. Il faut voir quand même. Alors ouais, ses stats, c'est pas flamboyant, mais c'est tellement important ce qu'il fait Ah bah que. c'est un col bleu qui colmate un peu toutes les fuites de partout. L'année dernière, c'était le deuxième meilleur rebondeur de l'équipe, derrière Karl-Anthony Towns. Donc on vante, ou des fois on se dit, mais non, il faut faire une paire d'intérieur Twin Tower, Et c'est pour ça 4 que ça peut Mitch. être intéressant Oui, en pourquoi sortie pas, de banc. mais Mitch t'apporte pas la même chose que Josh Hart, clairement. Rappelle-toi quand il arrive en mi-saison au Knicks, donc il est sixième homme, et rappelle-toi le bien fou qu'il fait quand il rentre. Et je pense que Ouais, c'est ça, mais en fait, de ce côté. son utilisation a évolué. Et Je dis pas qu'il oui. est plus capable d'apporter en sortie de banc. Il a l'air d'être ouvert, en tout cas d'un point de vue état d'esprit, à être un joueur en sortie de banc et à faire les sacrifices pour que l'équipe gagne. Donc ça, là-dessus, je pense qu'on a un joueur qui est capable d'accepter ce changement. Mais à voir, suivant les oppositions, suivant les physionomies de match, suivant l'état de forme des uns des autres. Peut-être que Mitch va se blesser encore assez vite et finalement on va retrouver Josh Hart Et en starter. Peut-être que même Mitch blessé, c'est. T'as et une puis petite il y a connexion? Clarkson Josh Hart, hein, une petite collection Angelinos, ça Oh, l'ancienne. époque Lakers, ouais, tout à fait. Mais bon, voilà, donc ça va être intéressant de voir tout ça. Donc dites-nous aussi en commentaire quelle est votre seconde unit, qui vous mettez en sortie de banc, qui vous mettez en tant que meneur backup derrière Est-ce que vous Jalen voyez une Brunson. sur... Est-ce que vous voyez une surprise qui sort du banc? Quand nous, Dadier, par exemple, là, Diawara, on a parlé de Mohamed Jamison Diawara, de ça. Third. Ouais, ça peut être, pourquoi pas. Après, est-ce que Portier va avoir pour vous un rôle ou pas? Est-ce que un Chamet? Parce que c'est vrai que Chamet, il passe mais totalement inaperçu, quoi. C'est, tu vois, et ça te montre bien un peu cette puissance d'effectif qu'on a, quoi. C'est-à-dire que Tant mieux, tant mieux, tant mieux. tu peux avoir un 5, donc on a Il y a dit des options. Juice, Clarkson, Hart, Yabou, Hugues Portier, et après en troisième équipe, tu peux avoir Colec, tu peux avoir Chamet, tu peux avoir Dadier, Mo Diawara et Jamison. Enfin, tu vois, enfin, c'est, tu vois quand même, y a quand même trois Il y équipes, a des alors options, quoi. Il y a des options, à il y des a de quoi degrés faire. différents de talent, mais putain, c'est profond, quoi. Ça Ça y est, reste. tu nous as ré-hypé. Tu nous as remonté la cote hype, elle était déjà bien élevée. Mais effectivement, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de matière pour pouvoir faire une belle saison et pour que Mike Brown utilise son banc. Parce que là, pour le coup, on ne voit pas qui il faudrait lui rajouter pour utiliser des joueurs du banc. Bon, une fois qu'on a vu ça, on est tellement hypé qu'il va falloir qu'on se projette un petit peu. Il y a des gens qui se sont projetés avant nous, hein. On a fait une reprise, une rentrée tardive, admettons. Mais on a eu le temps de travailler tout ça et de voir un petit peu ce que se projetaient les uns les autres, ESPN, même Touquet, qui nous fait des simulations de basket. Bah, ils nous ont simulé la saison et ils nous annoncent déjà d'entrée de jeu que dans le Final Four, on aura OKC Nuggets d'un côté et puis Knicks Cavaliers de l'autre côté, avec les Knicks qui vont tout droit en Et les finale cotes. NBA. Moi, je Et les... dis. Let's go. C'est les cotes, c'est les grosses cotes. C'est vrai que dans un est un peu en friche, c'est Ouais. un. Ah. ESPN, il nous voit pas sortir de l'Est, hein. Il voit plutôt le Magic. Bon, on verra. ChatGPT, n'en parlons pas. De quoi L'IA encore halluciné. ESPN, il voit une finale Cavs Orlando? Il voit le Magic sortir à l'Est. Alors après, En je finale sais pas. NBA? Oui, le oui, Magic allait en finale. Allait en finale. Bah oui, bah. Non mais ils ont, attention, ils ont une très belle... Moi je pense qu'ils vont faire partie des très belles surprises. L'année dernière ils avaient fait un très bon début de saison. Ils ont connu après toute une vague de blessures. Au tout début moi j'avais dit putain, Jamal Mosley incroyable. J'en avais fait presque sur les premières semaines mon coach of the year parce que c'était vraiment très bien ce qu'ils avaient fait avec Orlando. Attention à ce Orlando, en effet c'est une équipe qui peut être 3e, 4e facilement, qui peut venir chatouiller on va dire les deux d'or que sont les Knicks et les Cavs, mais attention Orlando, avec Atlanta c'est pas dégueu. c'est pas dégueu du tout. Et ben justement nous si on se fait un peu de projection, on voit les Knicks terminer quoi à l'Est cette saison? Top 1, top 2, top 3, top 4, playoff, play-in, même pas la draft. Voilà, on va se mouiller la nuque. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais en même temps, il y a eu beaucoup de changements. C'est-à-dire une fois que tu as dit ça. C'est un truc de, c'est une réponse de Normand, ça. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais il y a du beaucoup de changements quand même. Non, mais effectivement, en termes de stature d'équipe. Voilà, ça n'a pas bougé. On a gardé le même roster qui est allé en finale de l'Est l'année dernière. Cependant, tu changes quand même le coach. Et ça, c'est quand même beaucoup. Ok, d'accord, l'équipe a pas connu de gros trades. On a fait re-signer les mecs. On récupère Chamet. Donc finalement, on a cette base, on va dire, presque d'une dizaine de joueurs qui se connaissent, qui ont déjà un vécu d'un an ensemble. Donc c'est quand même beaucoup. Cependant, on a un coach qui arrive avec une nouvelle philosophie de jeu. On a une équipe qui, pendant les deux dernières années, ont connu le même coach, la même façon de jouer et compagnie. Là, maintenant, on a ce nouveau coaching staff. Donc, à voir comment la mayonnaise va prendre sur cette nouvelle philosophie de jeu et ce temps de jeu qui va être un peu plus distribué aussi, on pense. Enfin, bref. Donc, moi, comment je les vois, je me dis à minima top 3. À minima top 3. Je ne vois pas top 4. À minima top 3 de l'Est. On part bien sûr d'une situation, il n'y a pas de blessure importante, il n'y a pas... Voilà, on part sur un scénario entre guillemets idéal, les forces en présence sont présentes, peut-être qu'il y a 5-10 matchs loupés par-ci par-là, mais rien de significatif qui fait que on fait une saison à la Sixers, JB, terme CBC, dans ces cas-là, on n'est pas sur le scénario catastrophe. C'est sûr que tu vois la saison différemment. Mais sur un scénario nominal, on est d'accord. Mais voilà, mais si tout va bien, moi, en fait, c'est surtout la façon dont l'équipe va s'adapter à minima. Je dis bien à minima top 3. Je pense que les Cavs ont aussi maintenant un an de vécu avec leur coach en place. Qui ont connu des bons résultats l'année dernière. Alors est-ce que nous la mayonnaise va aussi bien prendre que eux aussi avec Atkinson, à voir. Je t'ai dit que j'ai quand même j'essaie Orlando Magic là qui sont là, à voir aussi les Bucks, même si je pense que ça va manquer un peu de talent, surtout de profondeur. Mais les Celtics, forcément, même si on a un Tatum, attention, qui revient fort. Tatum revient de sa blessure, tu le vois, il dunk. Mais pour autant, les images d'entraînement, on ne sait pas si le mec, il est dans sa chaise roulante après pour sortir pendant 10 jours, tu vois. Il y a de la communication. De là à ce que et puis ils se sont sacrément désossés, les Celtics. Mais... Et puis Atlanta aussi a fait une très belle intersaison. Atlanta, c'est aussi profond, c'est aussi talentueux. Je ne pense pas que ça vienne gratter un top 3, mais je pense que... Moi, je pense qu'Orlando... Pourquoi ça se joue... se joue entre les Cavs, les Knicks et les Magic. Ouais. D'accord. Ouais. Et si tu te projettes, on termine sur tes projections, en nombre de wins, je rappelle juste que l'année dernière, on en gagne 51, que la cote de ESPN nous annonce un 54 wins et 28 défaites. Tu te projetterais vers quel range de victoires en régulière? Bien sûr, c'est le scénario nominal, il n'y a pas trop de blessés. Je dirais une cinquantaine de victoires, 50-32. D'accord. 49-33, 50-32, tu vois. Un bilan comparable à la saison dernière, voire peut-être légèrement en dessous, mais pas plus, quoi. D'accord. Ouais, non. Ok. Bon, moi je vais me jeter aussi, me mouiller, j'ai pas de problème. Je suis hypé de fou. J'ai des inquiétudes, non pas des inquiétudes, des questionnements sur tiens, telle rotation, comment tel joueur va trouver sa place. J'ai peur, je crains quand même des blessures cette saison. On a été plutôt épargné. Je me dis, merde, peut-être que le chien noir va revenir et Ouais, mais ça là, serait vraiment très ballot. c'est pas à prendre en compte, ça. Mais ça, j'écarte ça. J'ai cette peur, j'ai cette crainte. Je me dis, C'est pareil. C'est tout se pareil. passe trop C'est bien en ce pareil. moment C'est pareil. pour que ça foire pas à un moment donné. C'est pareil. Il y a trop de hype et de trucs. Je me dis, le karma va y avoir un truc. Un retour de bâton à un moment qu'on n'attendait pas et faire. Et voilà. Mais Merde. j'ai pas Alors, envie. c'était là, elle était là à la fenêtre et merde, quoi. Ouais. J'ai pas envie de me projeter là-dessus, mais j'ai cette peur, j'ai cette crainte. Au-delà de cette crainte, je suis hypé comme pas possible. C'est effectivement une équipe qui gagne d'année en année, qui s'installe, effectif construit, on voit le projet, les joueurs se connaissent. Changement de coach, c'est pas neutre. Comment la sauce va prendre, la mayonnaise, ça va tourner au vinaigre ou pas? Les rumeurs de trade, tout ça pourrait apporter du bruit. Mais je vois quand même, et j'attends, et j'espère, mon niveau d'attente, il est élevé, parce que je me dis, on doit faire mieux, nouveau coach, un banc plus deep, l'expérience, les joueurs sont revanchards. Oui, la régulière, c'est important, mais c'est surtout important d'arriver en playoff. Oui, mais l'année dernière, on a aussi tout ce storytelling qui s'est fait autour des Knicks de bon, vous gagnez des matchs, par contre, quand il faut jouer les Celtics, vous perdez, quand vous jouez OKC, vous perdez. C'est vrai Là, qu'on s'est il va fait falloir assumer. démonter, hein. Et puis, on a perdu de la bonne des façons. Donc, Oh. il va falloir assumer assez vite ce rôle un petit peu de favori. Il y a deux favoris à l'Est, c'est les Cavs et les Knicks. Et peut-être que là-dedans, les Knicks sont plus favoris que les Cavs au regard des playoffs. Parce que les Cavs, peut-être qu'il y a eu de la blessure, mais bon, ils avaient fait une super saison régulière. Au-delà de toute espérance, c'était peut-être une très grosse surprise. Et ils n'ont pas confirmé malgré le load management qui avait été bien fait dans la saison. Côté Cleveland. Donc moi, les Knicks, je les vois top 1, top 2. Top 1, top 2. Top 3, bah, ça ferait effectivement un petit recul par rapport à ce qui pouvait se faire les années passées. Mike Brown, il va falloir qu'il gère bien son effectif. Mais il va falloir qu'il gagne. Ça va être un petit peu, ça le mettrait dans une situation délicate de faire un moins bon bilan sur sa première saison en régulière, je parle, parce qu'après les playoffs, c'est une autre histoire. Et bien sûr qu'on attend un très très beau parcours en playoffs, mais en régulière, j'attends à ce que bah, ça impose aussi des choses et qu'on se dise, ah ouais, ce jeu plus offensif, peut-être moins défensif, peut-être qu'on va être moins bien classé Je te rappelle en début défensivement. de en fin de saison dernière, quand on parlait du changement de coach, on se disait, qu'est-ce qu'il nous faut? Un coach offensif ou un coach défensif? C'était la question qu'on se posait, tu vois. Et finalement, tu vois, on est quand même porté vachement sur l'attaque, hein. Ah bah C'est. avec cet effectif, ouais, plus on l'a renforcé, et puis en plus sur l'aspect offensif que défensif. Donc voilà, moi je m'attends à avoir plus de victoires, je dirais 55 wins au bas mot, et un Au bas mot, 58 ne me ouais. déplairait pas. Ah ouais, Ouais, je comprends. je m'attends effectivement qu'on performe plus, qu'on s'impose plus, d'autant dans une conférence Est. Oui, le Magic, tout ça, c'est bien, faut respecter. Les Hawks, j'ai du mal à les respecter, mais respectons-les, admettons. Les Celtics, normalement, cette saison, voilà, on prend des wins face aux Celtics, on ne prend pas quatre défaites. Face aux Pacers, bah, voilà, on aura envie de se venger, même si bah, ils Les seront un petit Pacers, peu les Pacers, démunis. ils ont perdu Miles Turner. C'est une grosse perte pour eux. Oui, non, mais voilà, et puis bah, surtout Tyrese Haliburton qui est un peu leur maître à jouer. Donc il y aura sûrement ce sentiment de faire un 4-0 ou un 3-1, je ne sais pas combien de fois on les rencontre cette saison. Mais voilà, je pense que les Knicks doivent Après, ce qui s'imposer est, après ce dans la qui est, régulière ce qui au pour arriver avec de la confiance en playoff et un rôle de ce qui est au bas favori fond un petit peu de renforcé, quoi. ce qui après ce qui est au bas fond de l'Est. Moi, je pense que les Wizards seront plus élevés que ce qu'on veut bien nous faire croire. Je pense que cet Oui, effectif ne oui, sera oui. pas si ridicule. Cependant, je pense que Charlotte, peut-être qu'on les voit beaucoup trop beaux. Enfin, moi, la Lamelo Ball, j'ai aucune confiance en ce type. Ouais, puis la blessure à répétition. Donc, bon, il y aura Ouais, mais même dans des sa équipes façon sur d'aborder lesquelles. les trucs. Je vois quand même un top 6 assez fort. Un top 6, tu vois, des Cavs, donc Knicks, des Magic, des Les comment ça s'appelle, Sixers, des qu'est-ce Hawks. que ça va être cette saison des Sixers? La pré-saison ne rassure pas vis-à-vis d'eux. Yeah, mais là, ça y est, il a repris le jeu, il a maigri, donc forcément je parle d'Embiid, hein, Bon, pour ça, ces c'est jeux. leur problème. C'est leur problème. Mais non, mais tu vois, mais pour nous, en fait, forcément, on va jouer plus souvent les équipes de l'Est que de l'Ouest. L'Ouest, bon, j'en parle pas, c'est vrai que ouais, c'est quand même quand même très dur. Ouais. Mais justement, les Knicks aussi doivent s'imposer face à des équipes de l'Ouest. En tout Ah cas, oui. voilà, on ne peut pas se permettre les blowouts qu'on a eus avec ce statut qui se consolide en fait. On va dire que la saison dernière, ouais, c'était la faute de On avait eu des Thibodeau, on victoires de arrivait au facile, bout je d'un m'excuse, tu parles de cycle, Denver. Tu parles mais de on n'arrivait Denver, on a pas. eu des belles victoires contre eux, on a eu des belles victoires. Enfin, donc. Et cette saison, il faut arriver à s'imposer au moins une fois, ou du moins rivaliser, avoir vraiment un vrai match face à OKC. C'est le champion en titre. On a cette ambition. Est-ce qu'on trouvera les solutions? À voir, mais en Ok, tout ici cas, c'est l'ogre, hein. C'est l'homme à abattre, hein. Donc c'est champion c'est. sortant. L'année dernière, on a fait tomber le champion sortant. Cette saison, je veux bien qu'on les fasse tomber en finale NBA, ça ne me plairait pas. Mais en tout cas, en régulière, il faut qu'il y ait un vrai défi, que ce soit une affiche qui soit attendue et qu'elle tienne ses promesses. Qu'on gagne ou qu'on perde en régulière face à OKC, on verra. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait match. Et il faut qu'on sente que les Knicks sont de ce niveau pour pouvoir se mêler à la discussion. La saison dernière, les Cavs ont une super saison régulière. C'est plus compliqué en playoff, limite, ça déçoit en playoff. Voilà, mais en tout cas en saison régulière, quand il fallait défier Boston qui était champion, c'était vraiment un vrai défi. Donc là, il faut que les Knicks arrivent à ce niveau-là de compétitivité. Bien sûr, il faut que la santé soit au rendez-vous, mais moi j'espère un top 1, top 2. Ça se jouera effectivement, je pense, plus avec les Cavs. Et Oui. puis progresser Les Cavs significativement au sont, niveau des wins. les Cavs sont clairement les rivaux de cette année. Ils ont un effectif aussi extraordinaire. Ils ont aussi, comme nous, un an de vécu. Non, non, les Cavs, c'est vraiment c'est l'équipe épouvantail de cet De la Est. conférence Est. Ouais, alors les Cavs, Avec attention, hein, les Knicks. avec Avec les les Knicks. Knicks. Non, mais évidemment, non, mais Assumons ce statut de favori ou de contenders. T'as vraiment ces deux locomotives devant là, donc les Cavs et les Knicks qui sont les favoris pour finir en finale de la conférence Est. Et après derrière, tu as quand même, on va dire entre guillemets, un cran un peu en dessous. Tu as plusieurs tiers, hein, si on devait faire des tier lists, c'est Ouais. souvent la mode. Mais je pense que dans le tier list S, tu as les Cavs et les Knicks qui sont vraiment en haut, qui trustent la première place. Mais je me Il y a un dis gros peloton, quoi. attention, attention un peu à cette façon de justement des rotations. Je pense qu'il y a des matchs qu'on va perdre parce qu'en fait, ben, on aura reposé, on aura fait du load management. Tu vois, je me dis qu'il va y avoir une gestion des effectifs qui peut des fois amener à des défaites. Et bon, après, on sait que la saison régulière, c'est un marathon. Et le principal, c'est d'arriver au bout et d'arriver en forme pour la course finale. Donc, Sachant que la campagne de playoff dernière a été longue, la saison a été longue, à voir si on arrivera Et après, quid de l'avantage du terrain, on l'a vu en playoff, hein, on va taper deux fois Boston chez eux. Ça fait pas tout, ça fait pas tout, mais Donc c'est. voilà. Voilà. Le principal, c'est si on arrive en confiance et avec une équipe en forme. Voilà, c'est ça le Voilà. plus important. Donc mon niveau de hype max, c'est premier. 58 wins. Toi, c'est lequel? C'est. Ah, non. Ouais, je pense qu'on sera 2 deuxième. deux et Deuxième. 50, combien t'as dit? 51, Ouais, non? allez, je vais dire 50-32 si je devais arrêter un chiffre. Ça fait. Voilà. Bon, ok. Bon, dites-nous aussi en commentaire votre pronostic pour cette saison. Et puis on fera le bilan Comme à ça, en fin l'arrivée de au match saison, comme ça, en au fin de saison, mois on d'avril, fera. quoi. Comme ça, en fin de saison, on fera un mais, ça valait bien la peine de virer type, vous avez fait pareil. Bah, peut-être, hein, peut-être, hein, peut-être. Ou Ah, alors, c'est bah, il était temps, Sonix! il Oh là était là, temps, c'est Sonix! Oh là là! vous êtes champion maintenant, quoi. Bah ouais, il était temps après plus de 30 ans. Bah ouais. Allez, Bon, ça, on je veux bien. termine cette Alors, ça, je veux. émission. Alors, ça, je veux bien qu'on me chambre là-dessus. Hein. Alors là, si on me dit, ah, ben, ah, ça valait bien la peine. Non, vous êtes champion. Ben, ouais, ma gueule, on est champion. Mais ouais, moi, je veux bien qu'on me chambre sur le fait qu'on soit champion maintenant. Moi, Allez, on signe où? On signe. On fera le pronostic des playoffs une fois qu'on arrivera au moment des Voilà, playoffs. en D'ici avril. là, on va terminer cette émission part 2 avec le traditionnel programme de la semaine. Bon, on va faire court parce que de toute façon, ils n'ont pas encore joué ces trois Non. équipes. Cette semaine, trois matchs au programme et les Knicks n'ouvriront pas l'opening night parce que ça, on réserve ça aux gens qui ont des bagues. Et pour les Knicks, ce n'est pas cette saison. Mais le deuxième journée NBA se passera bien avec New York et se passera au Madison Square Garden. Les Knicks qui reçoivent les Cleveland Cavaliers. Hey, Tiens donc, là! comme par Et hasard, là, le calendrier est répétition vraiment en bien fait. grandeur nature, là. Hein. Chacun va vouloir, là, chacun va se regarder et chacun va se dire, alors, c'est toi le nouveau shérif en ville? Je pense que ça. Ouais. Je ne sais pas si Garland sera de la partie, mais ça, on regardera ça tranquillement après. Notre ami Chapuis sera sur place. Préparé, hein. J'ai pas préparé. Non, mais on verra en plus l'état de forme des équipes. Et puis d'ici là, il y a une semaine, un petit peu de préparation. Mais il me semble que Darius Garland va manquer les premières semaines de la saison. Donc derrière, il y aura un autre match au Madison Square Garden dans la nuit de vendredi à samedi et qui se passera face aux Boston Celtics. Tiens donc, on les retrouve eux aussi. Et le premier déplacement de l'année aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi en Floride, au Miami Heat. Donc voilà, une petite triplette pour commencer la régulière face à des équipes de l'Est. Ça serait bien de bien commencer. Seb, bon, le match immanquable, l'Opening Night. Ça va de soi. Ah bah oui. Ton pronostic pour cette semaine. 1, 2, 3 victoires, 1, 2, 3 défaites. Et tu sais que, ouais, 2 fois à la maison, 1 fois à l'extérieur. Pas facile de se projeter alors qu'on les a pas encore vus vraiment jouer. Hein. La pré-saison, c'était de la pré-saison. Ouais, je sais pas du tout ce qu'a fait Cleveland en pré-saison. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ah, mais ils ont perdu, gagné. Ils ont perdu 2 fois contre les Bulls. Ils ont perdu contre Boston, et puis comme il faut. Et ils ont gagné contre Détroit. Ouais. Mais bon, de ça tire des conclusions. Après, je te dis ça, je sais même pas qui a joué, c'est quoi les rosters, c'est quoi les trucs, j'en sais rien. Là, on est vraiment avec la boule de cristal qui sort de l'emballage, quoi. Qu'est-ce que je te dis? J'ai peur d'être. Et nous, qui on a? Est-ce qu'on a des blessés pour l'opening night? OG y joue? Je sais pas. Ben écoute. Allez. Là, on se jette dans le grand bain. On ne sait pas si c'est froid ou chaud, mais on se jette. Écoute, j'ai peur qu'on perde le premier match. Taille. Et qu'on gagne les deux seconds. Et okay, qu'on soit 2-1. Mais que le premier match. Franchement, je ne sais pas du tout les forces en présence, qui on a pas. Parce que tout dépend. C'est loin, quoi. C'est mercredi soir. Si on a Kat et OG qui sont blessés, c'est pas pareil, quoi. Enfin, tu vois, c'est. JB pourra pas porter tout le monde en face. Si tu me dis qu'il y a que Garland qui est pas là, mais en attendant ils ont quand même pris aussi un effectif deep Cleveland. Donc non, je te dis 1-2. Une victoire et 2 défaites. Une défaite et 2 victoires. 1-2. Ok. Ouais. Et ben moi je suis hypé. J'ai dit qu'il fallait en gagner 58 cette saison. Donc 3-0, on s'impose d'entrée de jeu. On dit aux Cavs, vous serez les dauphins cette saison. Hein. Et puis on a un nouveau coach, on a un effectif deep. Yabou, il va dunker sur Jarrett Allen. Ça sera le Tomar du fro. Yabou sur le fro de Jarrett Allen. Le beer qui écrase du cavalier. Et Boston, bah voilà, ça va être compliqué pour eux cette saison. Attention de pas trop vendre la peau de l'ours. Hein. Ouais, non mais en fait on fera le bilan lundi prochain et ça se trouve l'entrée de jeu la hype sera revue et puis Miami, on s'attend pas non plus à une très grosse saison de la part de Miami, donc les Knicks doivent pour ce premier déplacement en Floride aussi assumer leur rang de favori. Donc pour moi c'est un 3-0, je commence comme ça, on verra comment on termine la saison, mais je commence par un 3-0. Voilà. Donc pareil, on attend vos commentaires, le pronostic. Avec nos pronos, on est cohérent avec nos pronos. Oui, bah oui. Parce que si je t'avais dit 0-3, ouais, on va en gagner 58, mais en contre, on va démarrer, mais galère. Des fois, tu sais que t'as des teams comme ça. Regarde l'année dernière, Indiana, ils commencent un début de saison pourrave, et la deuxième partie de saison, ils font partie des meilleurs teams de la ligue, et ils finissent en finale NBA. Donc, tu vois, enfin, ça veut rien dire. Le passage à Paris qui leur a fait du bien. Bon, voilà, ça va être tout pour nous pour cette partie 2. Hein, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un seul épisode, tout en un, où on fera le débrief. D'ici là, n'oubliez pas les inscriptions pour le voyage associatif cette saison. Et une petite pensée à notre cher Chapi National, oui, qui part qui à New York. Qui sera pour l'Opening Night. Et qui sera là-bas pour l'Opening Night. Donc non, gros voyage, gros projet. Donc vraiment, kiffe bien, amuse-toi bien. Voilà, c'est. Il pourra nous dire ce qu'il a pensé de ces Cavs lors de leur défaite. En space, voilà, notre ami qui ne sera sûrement pas en space pour le coup, mais voilà, en tout cas, il va vivre un vrai rêve pour tout fan d'Enix, et voilà, de vivre l'ouverture de la saison, la présentation des joueurs. C'est un beau moment. Écoute, mon prono va pas dans ton kiff, mais j'espère quand même que ça sera plus celui de Giovanni qui sera respecté pour que tu en profites au maximum. On va savoir tout ça la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. à The Next Week. Hein. Et puis rendez-vous lundi prochain pour débriefer tout ça, voir qui de Seb ou de moi avions bon sur les pronos. Peut-être qu'on aura tous les deux faux. Eh ben c'est pas grave, c'est la vie, c'est le basket, c'est le kiff. on est en négatif alors. je sais pas, je préfère pas. Allez, bonne semaine à vous. Pas d'un du dessous. À très vite. Ciao, ciao.